Yeah, FRG, péché du monde. Conneries. Dans ma vie, j'ai passé 10 un âge, je l'ai pas mérité. J'ai fait mal à ma femme, maintenant que je l'ai perdue, je me rends compte de ce que j'ai fait. Ça me fait mal de la voir, pédale, piave, traîner avec d'autres clos. Je sais pas ce qu'elle fait, ça m'inquiète, regarde comment je l'ai rendu. J'ai peur de voir tout s'effondrer, tu sais. Pourquoi avoir fait autant de conneries? Dis-moi Seigneur, est-ce que je l'ai mérité? D'un côté oui, j'ai quitté un taf en or, j'ai lâché prise à mon chat et j'ai fait fuir ma femme. À deux doigts de perdre mon studio, faut que le bonheur revienne. J'espère bien un jour, j'y tape en tout cas, mais c'est dur. Tu sais, je m'en veux Seigneur, je m'en veux, j'ai besoin d'une deuxième chance. FRG est de retour, pas besoin de paroles pour te prouver que je suis là. Bientôt tu le verras, que mon amour est plus fort que tout, peut-être un jour. Et pour l'instant, j'ai pas la carrière d'un beau gosse, mais de quelqu'un qui est là et qui s'impose. De 009, parole de pécheur, je vais me faire confesser. Voilà, j'en ai besoin. Écoute, FRG veut guérir du mal qui l'a ramené à la merde. Je m'en fous du taf du moment que ça me ramène à retrouver l'amour. Car j'ai honte que tu ne peux plus m'embrasser. J'ai honte de moi, si seulement tu pouvais le savoir. En tout cas, je te promets de réussir pour te montrer que je ne suis pas un incapable. J'ai plus envie d'échouer là où je suis longuement tombé dans ce trou noir. Car c'est mon destin que d'écrire cet album. Je réagis et reste fort, car dans ma life, y'a que des défaites. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Réussir est le but de ma vie. Je le dois aussi à mon entourage. Je parle bien sûr de ma femme, mais aussi mes potes et mes collègues de taf. Mais j'écris un album et j'en reste fier, car ça n'arrive plus quand j'écris des textes. Mais aussi pour la misère, moi qui me touche, elle mes potos. Hey, à la bien, voilà le mot qui me motive. Fallait passer par des conneries pour comprendre qu'on est rien sans rien. Et pour moi que je le dise, car tout reconstruire j'en ai envie. Célibataire éternel, je crois bien l'être. Dédicace à mes potos, voilà ce que je peux dire sur cette zig, cet album. Car j'ai enfin compris, voilà les belles conneries d'un pauvre type. Yeah, représente pour tous ceux à qui dans la vie on fait des conneries. Yeah, sur ces erreurs on ne fait que réussir. Yeah frangin, donne-moi la main pour un meilleur avenir. Yeah, donne-moi la main frangin. Yeah, donne-moi la main frangin.